5. A. A comme Anne. B comme Bernard. C comme Coralie. D comme Daniel. E comme Ève. F comme François. G comme Gérard. H comme Hélène. I comme Isabelle. J comme Jean. K comme Katia. L comme Liliane. M comme Michel. N comme Nicole. O comme Olivier. P comme Paul. Q comme Quentin. R comme Robert. S comme Sébastien. T comme Théo. U comme Ursule. V comme Valérie. W comme Wilfried. X comme Xavier. Y comme Yves. Z comme Zoé.